on s'en va rejoindre André Arthur. Allô, André. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va très bien. On s'amuse avec les sirènes, les gyrophares, les ambulances. Mais on ajoute d'autres, on a d'autres événements qui s'ajoutent à ça au long des années, puis qu'on en profite pour s'en rappeler. Mais là, apprends-nous ça, là, parce que là, moi, ce matin, là, je suis décontenancé. Dans les années des Nordiques, oui, Marcel Aubut est à New York. Mais le soir, à Québec, il y a un match des Nordiques télévisé. Et Marcel Aubut n'allait au match des Nordiques que lorsque c'était télévisé. Il se faisait photographier derrière le banc durant l'hymne national, puis il sacrait son camp après parce que Marcel n'aimait pas le hockey. Il aime pas ça le hockey, Marcel, OK? Marcel, il aime l'attention, le prestige, le pouvoir, l'argent. Mais il, dans le fond, le hockey n'a jamais fait partie de ses cordes. Puis si vous regardez son physique, vous comprenez pourquoi. Les gens qui aiment le hockey ne vont pas au Smoke Meat de Sainte-Ursule demander un Smoke Meat du gras seulement, s'il vous plaît. Ultra gras. Non, non, gras seulement. OK, 100% gras. Il prend les rognures de gras, il se fait un sandwich avec et ça coule sur sa chemise. Ah. Donc, le fait qu'il soit allé à Jerez au championnat du monde de Jacques Villeneuve en 97, qui soit devenu l'agent de Christian Tortora, ne fait pas de Marcel un ardent défenseur du sport automobile. Non, c'est pas exactement le cas. Vous. Alors, il arrivait de New York à l'aéroport de Québec et il avait dit à ses sbires, je serai en retard, trouvez-moi un moyen pour être durant l'hymne national derrière le banc parce que le match est télévisé ce soir. Ils lui ont délégué une ambulance. Bon. Et l'ambulance est allée chercher Marcel Aubut à l'aéroport de Québec. On a chargé le gros dans l'ambulance et on a pris la direction du Colisée, ventre à terre, toute sirène hurlante, gyrophare et tout. Donc, tu es en train de nous dire que c'est une pratique courante pour les gens qui ont les moyens. C'est ça. À l'approche du Colisée de Québec, au coin de Soumande et Amel, qui est une intersection bien achalandé, il y a eu un accident avec blessés graves. Et il y avait par terre des gens qui attendaient des secours cruellement blessés. Quand on a entendu au loin la sirène de l'ambulance de Marcel Aubut, on s'est dit, ciel, quel bon service, ils arrivent déjà. Ils ont passé tout droit. Oh. Ils ont même pas arrêté. Les gens se sont écartés à l'intersection pour laisser passer l'ambulance pour qu'elle s'approche des blessés. Et l'ambulance a traversé le carrefour en trombe pour s'en aller à la porte nord-ouest du Colisée de Québec où Marcel Aubut était attendu pour être conduit à son siège pour être vu durant l'hymne national. On a évoqué cette possibilité-là tout à l'heure. Si jamais l'ambulance qui est comme ça, gyrophare, sirène, etc., avec les tweetos de Star Academy à l'intérieur, puis qu'il y a un accident, qu'est-ce que l'ambulance fait? Tu viens de répondre à ma question. Ou encore que eux soient dans l'accident. Le 7 avril dernier, à Saint-Anne-des-Monts, c'était la cabale du chef de la pègre fédérale, Paul Martin, qui allait montrer aux gens de la Gaspésie qu'ils avaient toutes les bonnes raisons de voter pour sa pègre à lui plutôt que la pègre des autres. Et il s'est présenté avec sa cavalcade de voitures excitées parce que les politiciens sont toujours en retard. Parce que ce sont des prostituées, ils sont pas capables de dire non. Alors, si quelqu'un veut leur parler, ils l'écoutent, même s'ils sont en retard, et ensuite, ils disent au bodyguard, défonce le char, rattrape le retard, c'est ton problème, c'est plus le mien. OK? Ça, c'est la façon d'agir des politiciens, c'est des abuseurs de nature, c'est des gens qui n'ont pas de morale, et par conséquent, c'est jamais de leur faute. Embraye, puis au yard les règles. C'est ça. En approchant de la rue du Far West, pas le Far West, mais le Far West, la rue du Far. Quoi, ça pourrait vraiment marcher, là. C'est ça. Alors, sur la rue du Far West, à Sainte-Anne-des-Monts, un autobus scolaire de la société Le Matanais était arrêté en train de faire monter des enfants pendant que Paul Martin, le chef de la pègre libérale, se rendait à Radio-Canada pour une entrevue, pour laquelle, évidemment, il était en retard. Les six véhicules de la cavalcade de limousine de Paul Martin se sont empilés derrière l'autobus scolaire dont les clignotants fonctionnaient. Cinq des six véhicules, dont celui de Paul Martin, se sont crissés à gauche, le gaz au fond, et ont dépassé en trombe l'autobus scolaire. OK. Pour arriver à Radio-Canada plus vite. Le sixième véhicule a fait son temps derrière l'autobus scolaire, mais à la seconde où les clignotants se sont arrêtés, il a écrasé, il a dépassé, il a rejoint les autres, donc il a été plus vite que tout le monde. Hier matin, en route pour Québec, Richard, dont je connais le nom, a été dépassé en sauvage par une limousine ministérielle québécoise immatriculée GKA 607. Le gaz au plancher. Les gens se sont arrêtés à une halte routière de l'autoroute 20 direction Québec et c'est là qu'il a pu voir qu'on s'était dépêché pour aller reconduire le chef de l'opposition officielle Bernard Landry dans les bécasses de la halte en question. M. Landry s'est exécuté. On présume qu'il s'est lavé les mains, contrairement à la majorité des Québécois. 80% ne se lavent pas les mains et 80% de ceux qui s'y lavent ne prennent pas de savon. Après ça, on se demande pourquoi la grippe est mauvaise. C'est ça. Et il est rembarqué dans sa limousine GKA 607 qui à nouveau est arrivée en trombe à côté de Richard. Il l'a dépassé. Celui-ci a engagé une poursuite en arrière de du véhicule de Bernard Landry, et il m'a envoyé des photos dans lesquelles on voit la limousine, on voit son indicateur de vitesse à 142 km/h, et on voit la limousine de Bernard Landry, GKA 607, disparaître à l'horizon, pendant que lui va à 142. Eh boy! OK? Hier, lorsque l'histoire de l'ambulance est sortie, on ne l'a pas mesurée comme fausse, cette histoire-là. Parce que elle est bien plus grave qu'on pense. Parce que les crétins de Star Academy, qui vivent dans la terreur de la colère, des caprices de la jument folle végétarienne, ont décidé, se sont fait dire par Urgence Santé, mais ça se fait pas. C'est illégal. Vous pouvez pas faire ça. Et donc, à partir du moment où Urgence Santé leur dit, ils peuvent pas ignorer qu'ils posent un geste illégal. Ils sont au courant. Ils sont fait exposer les faits. Je pense que tu as parlé ce matin avec un représentant d'Urgence Santé. On a repris le tape du gars qui dit, moi je leur ai expliqué que ça se faisait pas. Et j'ai refusé. Mais ces gens-là, non contents d'apprendre que leur geste était illégal et idiot, ces gens-là ont quand même appelé ailleurs et obtenu une ambulance. Ce qui aggrave singulièrement leur geste. Et hier, en fin d'avant-midi, on a communiqué avec le bureau du ministre de la Sécurité publique, Jacques Chagnon, et nous avons parlé avec un dénommé Toto, Toto. Thibault, excuse. C'est des choses qui arrivent. Pas fort, là, c'est là. Un amateur qui ne connaissait pas l'histoire de l'ambulance. Il ne la connaissait pas. T'es pas au courant. Non. Et il a aussitôt dit qu'il nous rappellerait, ce qu'il n'a soigneusement pas fait. Et Jacques Chagnon, le ministre de Kanasetake, le gars qui a posé des gestes favorables aux trafiquants de drogue chez les Indiens, s'est retrouvé devant les caméras au Parlement hier pour dénoncer ça vigoureusement, ça n'a pas de bon sens. C'est un acte condamnable. Si j'avais eu la chance hier de parler à Jacques Chagnon, il y a une question que je lui aurais posée et qui, comme par hasard, n'a été posée par aucun journaliste. Monsieur Chagnon, votre limousine ministérielle, en plus des deux antennes de cellulaire, parce que on présume que le chauffeur et le ministre peuvent avoir besoin de parler en même temps au téléphone, n'est-ce pas? Donc il y a deux cellulaires dans chacune des limousines des ministres du gouvernement de Ronald McCharret. Votre limousine est-elle équipée, comme toutes les autres limousines, d'une fausse plaque? Bernard Landry, c'est GKA 607, vous c'est quoi? Parce que si tu fais ces plaques-là sur l'ordinateur, ça donne dossier inexistant. Ce sont des plaques qui n'existent point. Et si tu ouvres le coffre de la limousine, tu vas trouver la vraie plaque vissée au plafond du couvercle du coffre. La vraie plaque porte un F, parce que c'est une flotte. Okay. La fausse plaque, GKA 607 dans le cas de Bernard Landry, c'est une plaque d'utilité personnelle. Ce qui est faux. Donc, c'est une fausse plaque. Et de toute façon, à qui tu vas envoyer la contravention GKA 607 si l'ordinateur dit dossier inexistant? Te souviens-tu à quelle époque, André, on avait commencé à parler de ces choses-là? Ça fait longtemps. Moi, je me souviens... De 10 ans. Je me souviens de Guy Chevrette qui s'était fait coincer par un journaliste à faire des excès de vitesse. Puis on avait parlé des plaques, on avait parlé de l'espèce d'immunité politique qu'il y avait contre ces véhicules-là qui faisaient fi des lois. Puis il y avait eu un genre de 11 septembre pour nous faire changer de sujet. Ça nous avait aiguillé. Mais Jacques Chagnon, si j'avais eu une entrevue avec hier, si son Toto avait livré la marchandise au lieu de nous fourrer, ben, je lui aurais demandé, monsieur, je l'aime bien Jacques Chagnon, c'est un gars que j'ai déjà rencontré à quelques reprises, puis personnellement, je trouve que ce gars, il a beau faire partie de la PEC provinciale, il est pas pire, tu sais. Je lui aurais demandé, votre voiture dans la grille en avant, y a-t-il un flasheur bleu et un flasheur rouge destiné à faire croire aux gens que vous êtes une voiture de police? Et quand c'est allumé, ça, monsieur le ministre, c'est qui le policier? C'est vous ou bien c'est votre chauffeur? Et quand c'est allumé pour faire croire que vous êtes policier, est-ce que c'est parce que vous allez sur un événement secourir une personne en détresse ou bien c'est parce que vous voulez rattraper un retard aux dépens des autres automobilistes dont vous mettez la sécurité en danger? Ce que je trouve horrible là-dedans, André, c'est le message qu'on envoie à la population. Il me semble que moi, à chaque fois que je vois un camion de pompiers avec les sirènes allumées, les gyrophares allumés, je me tasse. Même chose pour une ambulance, même chose pour un véhicule policier. Oui. Mais là, à partir du moment où Wilfred ou Marie-Hélène ou n'importe quel... Marcel Aubut, ou n'importe quelle personne avec un peu de pouvoir, avec un peu de cash, avec un peu d'influence peut prendre ça pour rattraper un retard. Je vais avoir une petite pensée pour ça, ça. Ben, bravo pour la réponse à l'urgence santé. Mais moi, ce que je dis, c'est que malgré le fait que Star Épidémie ait su dès le départ avec la réponse d'urgence santé qu'ils étaient illégaux, s'ils ont poursuivi pour avoir absolument l'ambulance, ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent aujourd'hui. Ils sont partout. Ils sont pas partis après le gros party où ils ont nommé leur gagnante pleine de talent avec son gros talent tranchant. Ils sont encore dans les médias partout et ils veulent nous laisser sous-entendre que même ceux de l'année passée sont tellement en demande. C'est tellement hot, c'est plus gros qu'Aerosmith, c'est plus gros qu'Elvis. C'est ça qu'ils veulent faire. Puis on en parle aujourd'hui. Ils ont ce qu'ils veulent. Il y a tellement de monde et l'horaire est tellement serré pour le boutillier et compagnie qu'il faut les transporter en ambulance. Non, mais ce qui est encore drôle, c'est que ça démontre jusqu'à quel point Pélado puis sa jument végétarienne contre sont des crises de fous parce que ils avaient un hélicoptère le soir. Hey, Denis, fais donc entendre André les deux filles qui se parlent entre elles pour faire un petit reportage du réseau énergie. Il y en a justement une qui se pose la question. Pourquoi on n'a pas pris l'hélicoptère, André? Qui je vais entendre, là? Tu vas entendre Mélanie Gagné du réseau Énergie, surnommée affectueusement Mélanie Gagné. Et on a également une participante, je crois, de la première mouture de Star Academy. Exact. Les deux jasent et vont nous faire des révélations sur le réseau Énergie dimanche concernant l'ambulance. On écoute ça. Hey, Mélanie, je voulais qu'on attende à cette pause-ci pour parler du frère des Marie-Hélène parce que je pense qu'on pourrait leur parler. C'est-tu quoi, on va dire un secret? Il est parti en ambulance. C'est vrai! Pour que ça aille plus vite. Elle est où ton show? Je sais pas où. En tout cas, il est parti, il me disait ça tantôt. Il dit, c'est drôle, il dit, je pars en ambulance. C'est tellement qu'il faut que, go! Ouais. Pas de niaisage à faire, mais là, je t'arrête pas l'hélicoptère, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un très beau moment, je vous dis, en arrière-pied? C'est du bon voyage. Je parle de deux calices d'arriérés mentaux. Bien sûr, il allait refaire mon dire. Je parle de deux moronnes pathologiques. C'est sûr, il allait répondre. On dirait que les deux sont au bord de l'orgasme sans jamais vraiment y arriver. André, elle sait même pas où est le show à Boutillier, tu sais. Elle sait pas ce que c'est. Donc, il y avait un hélicoptère. Ben oui, il était disponible. Fairchild est arrivé pour apporter justement Stéphanie la gagnante puis l'autre. Et quand on pose la question, c'est dans la presse de ce matin, les porte-parole de Production J répondent, ben, on pouvait pas utiliser l'hélicoptère parce que, André, il faisait noir. Non, c'est un 2 turbines, tu peux voler la nuit. Ils sont fourrés. OK, j'ajoute quelque chose. Un interlocuteur que je connais, dont je connais le lieu de travail et l'origine du message, m'envoie le message suivant. Je vous ai dit que GKA607 était la plaque utilisée par Bernard Landry hier à plus de 142 km/h sur l'autoroute 20 entre Québec et Montréal. Je vous confirme que mon interlocuteur que je connais m'envoie le message suivant. Dans le travail que je fais, j'ai accès à l'ordinateur de la SAC. Je vous confirme que la plaque GKA607 est inexistante dans l'ordinateur. Le chef du PQ, qui prétend critiquer, va-t-il se lever à l'Assemblée nationale pour protester contre le fait que ses amis péquistes, Pelado, ont utilisé une ambulance pour fourrer tout le monde dimanche et faire croire? Est-ce qu'il va se plaindre? Est-ce que Bernard Landry va dire, et vous, monsieur le ministre de la Sécurité publique, est-ce que vous respectez les limites de vitesse sur l'autoroute 20? By the way, les amis, là, à tout le monde, là, quand vous voyez arriver derrière vous une limousine, deux petits fouettes sur le coffre parce que le chauffeur et le ministre veulent pas se partager le téléphone, arrêtez de les traiter avec respect. Gardez votre voix. Passons dans le champ, eux autres. Pourquoi moi, je prendrais le champ pour un membre de la pègre? Pourquoi tu prendrais le clos au péril de ta vie pour laisser passer quelqu'un qui est juste en retard? Qui est juste en retard et qui est en retard par sa faute et qui a demandé à un pauvre cave de rattraper son retard. Paul Martin, qui est en retard à Radio-Canada le 7 avril à Matane, s'il avait tué un enfant à l'entrée de l'autobus scolaire, est-ce que ça aurait été la fin de sa carrière politique? Tout le monde compare ça avec René Lévesque, oui, qui avait trop bu, qui portait pas ses lunettes, qui chauffait la Capri à Corinne et qui, le 7 février 1977, a tué sur le chemin de la Reine Marie un clochard qui s'appelait Edgar Trottier. N'est-ce pas? Qualifié de clochard, là, dans la nouvelle. Ça, ça en était tout un. Ouais. Oui. Mais c'était un clochard, c'était moins grave. C'est ça. Si Paul Marlin avait tué un enfant à Saint-Anne-des-Monts, qu'est-ce qui serait arrivé de sa carrière? Comment on aurait pu expliquer ce geste-là? J'étais en retard. Pour une entrevue à Radio-Canada Matane, un gars de tous les jours, là, qui n'a pas de statut, qui n'est pas politicien, qui n'est pas une vedette et qui se retrouve dans cette situation-là, je peux te garantir, André, qu'on va le voir à TV et qu'on va connaître son nom assez vite. Hein? Il y a quelques années, on m'avait annoncé Brian Mulroney. C'était la fois où il était venu à Québec et il avait donné des entrevues et ça avait coûté la job à Simon Bédard. Il y avait eu un téléphone fait par les gens du Parti conservateur et le réseau Radio Mutuel avait congédié Simon Bédard qui faisait équipe avec le morphinomane homosexuel et pédophile Jean-François Bertrand. Vendeur de livres. Vendeur de livres. Et qui était le fils de Mme Bertrand, députée conservatrice de la région de Missisquoi, dans l'équipe de Brian Mulroney. N'est-ce pas? On avait oublié ça aussi. Et le petit cul vicieux à Bertrand avait fait une entrevue très, très élogieuse de Brian Mulroney à CJRP. Mais moi, le matin, je l'avais eu à CHRC. On m'avait offert le premier ministre Brian Mulroney et j'avais accepté. Je l'ai tellement regretté. D'abord, il est venu en onde pour dire des balivernes, des affaires sans importance, des affaires condescendantes. Deuxièmement, il avait bloqué complètement à l'heure de pointe l'entrée de l'université, le carrefour Mirand et Chemin Sainte-Foy. C'est quand même assez passant, non? Oui, et ils avaient causé des embouteillages et des emmerdes à des milliers de mes auditeurs à qui, moi, j'avais présenté des excuses en ondes par la suite en disant, quand j'ai accepté l'offre de Brian Mulroney de passer en studio, je ne savais pas que j'abîmerais votre journée, puis j'avais présenté des excuses. Mulroney, en arrivant au Saguenay dans la même journée, je crois, avait aussi annoncé le congédiement de Jacques Caillé, qu'il avait obtenu de Claude Beaudoin, je me souviens, le président de Télémédia. Est-ce que j'ai l'enregistrement de Mulroney qui congédie Jacques Caillé? Jacques Caillé, c'est un animateur au Saguenay, oui, qui avait, dans la même tournée, là, Mulroney avait coûté la job à Simon Bédard à Québec. C'était tout un ménage. Il avait bloqué l'intersection à CHRC, puis il était monté à Chicoutimi. Et à cet endroit-là, Jacques Caillé, ça va y coûter sa job, parce que Mulroney est en retard. Il décide de pas se présenter à l'entrevue avec Jacques Caillé, l'animateur du midi. Et Jacques Caillé est furieux du manque de respect parce que Mulroney est allé chez un de ses concurrents à un autre moment donné de la même journée. Et Jacques Caillé a fait en onde l'entrevue qu'il aurait fait avec Mulroney si Mulroney s'était présenté. Sauf qu'il a inventé les questions les meilleures et les réponses les plus idiotes comme Mulroney avait l'habitude de le faire. Mulroney, quand il parlait, tu t'apercevais toujours que c'était un menteur. Rouge. Et sur ce, Jacques Caillé a été l'objet d'un téléphone. Je ne sais pas si ça a passé par le CRTC, ceux qui mangent avec Pilado, ou si ça a été direct de Mulroney à Claude Beaudoin, le président de Télémédia, l'employé de Philippe de Gaspé Beaubon-Pocher. Sauf que Mulroney, avant que ça arrive, a dit à des journalistes qui ont ri qu'il y avait un gars de radio qui perdrait sa job, et dans la semaine suivante, Claude Beaudoin est parti de Montréal, il est monté à Chicoutimi, et il a congédié Jacques Caillé, qui n'a jamais retravaillé depuis ce jour en radio nulle part. C'est pas d'hier que les gens de pouvoir n'ont pas sens de l'humour. Okay. Écoutez Mulroney, vous allez entendre ce qu'il va dire, puis écoutez la réaction des journalistes et des politiciens qui l'entourent. Un chef de pègre annonce l'exécution publique de quelqu'un et les gens rient. Ça va coûter cher. Pour avoir surtout lorsqu'on a des scoops importants à annoncer, là. Comme par exemple, imaginez-vous, le renvoi d'un hotliner, hein? Le renvoi d'un journaliste à la radio, c'est un scoop, ça? Oui. Hein? Ben, je le garde pour moi, là, pour l'instant. Là, pas à personne. Claude Beaudoin est parti de Montréal à Télémédia CKAC et monté à Chicoutimi dans les jours qui ont suivi, et Jacques Caillé a été congédié. Il n'a jamais retravaillé en radio. Comment peut-on faire confiance à des politiciens qui nous disent ça prend pas de système de santé à deux vitesses, ça prend pas des lois à deux vitesses, on a un beau pays, une belle démocratie. Puis aussitôt qu'ils ont une chance, ils passent par-dessus tout ça pour faire montre de leur pouvoir, que ce soit dans le cas de Jacques Caillé, que ce soit dans le cas des plaques qui sont pas des plaques de char. C'est un triste constat, là. Ce qui est épouvantable, c'est d'entendre les gens rire. L'un des lâches tombe à l'eau, puis personne ne sait nager. Ouais. C'est pas grave, c'est Jacques Caillé. Ouais. Quand on parlait d'ambulance puis d'abus, il n'y a pas Chevrette, à un moment donné, qui avait de la difficulté à justifier ses take-off en Challenger? Je l'ai pas eu, lui. À un moment donné, du côté de Joliette, puis tout ça, j'ai entendu parler, me semble. Je sais que l'aéroport de Trois-Rivières avait été beaucoup utilisé. Oui. Par les jets du gouvernement, alors que c'était quand même un peu marginal comme service aéroportuaire. André, on s'arrête deux minutes, on revient. Restez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la fosse. CBFM 103.7, la radio qui s'explose à Québec. Quand je dis qu'une boutique tient la route, je sais de quoi je parle. Avec Fournelle Bicycle, vous pédalerez longtemps. La saison commence, faites faire une vérification en 15 points pour seulement 28 $. Un vélo Norco avec cadre en aluminium à partir de 9,96 $ par mois, ou un vélo Norco avec frais à disque à partir de 14,16 $ par mois. Et un cadeau parfait pour un cycliste, un odomètre 16 fonctions à seulement 39,95 $. Fournelle Bicycle, première avenue Charlebourg et Saint-Vallier-Est, Québec. Là où on vend des vélos et que des vélos. Quand vient le temps de choisir un Nissan, il y a toujours un air qui me revient. Hey, une Nissan Sentra 2004 à seulement 179 $ par mois avec un léger comptant. Capital Nissan, toujours un leader dans le marché de l'automobile à Québec. Ouvert aujourd'hui. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Le temps chaud va revenir, on sera pas mécontent. La fonte des neiges, synonyme de soulèvement des eaux. Il s'agit pas de vous souhaiter un malheur. Mais si le désastre de l'inondation vous frappe, groupe Calinette, des experts. Pompage d'eau, assèchement de bâtiments, assèchement de mobilier, Calinette. La plus récente technologie, ils vont arriver chez vous et repartir en laissant une maison propre et sèche. Groupe Calinette, 660-4484, les vrais experts en inondation. Vous avez le goût de faire la belle vie, votre enfant aussi. Le plus bel endroit pour les jeunes cet été, c'est le centre plein air Le Saisonnier au lac Beauport. Pour un grand jour ou un camp de vacances, vous trouverez au Saisonnier un choix incroyable d'activités pour les enfants et les ados. Vos jeunes ont des intérêts particuliers? Choisissez parmi les camps multisports, artistiques, naturalistes, natation, anglais ou jeunes vidéastes. Tout ça seulement 15 km de Québec. Journée porte ouverte dimanche 25 avril. Le Saisonnier, une division de la Fondation des Sources du Québec. 849-2821 ou le saisonnier.net. s'en vient. Là. André? Oui. À tous les jours, il y a tout le temps quelque chose qui dépasse l'entendement. Tu nous as donné plusieurs exemples au fil des ans d'abus de pouvoir, de choses qu'on sait pas ou qu'on a tendance à oublier. Puis à chaque jour, il y a tout le temps des exemples. Là, aujourd'hui, c'est Wilfred, c'est Marie-Hélène qui ont utilisé illégalement une ambulance pour se rendre à un spectacle. Moi, je remarque autre chose là-dedans. C'est que dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal hier, Michel Coudelard, qui est l'instrument de propagande de Québécois lorsqu'on parle de Star Academy et des émissions de TVA, nous disait en pleine page dans le cahier Art et Spectacle que Star Academy était rendu un phénomène d'une telle grandeur qu'on n'avait pas le choix maintenant de faire des spectacles dans les arénas pour les académiciens, qu'on n'avait pas le choix d'aller faire ça dans des amphithéâtres qui sont immenses. Et là, ce matin, dans l'article, 24 heures plus tard, dans le même journal, on apprend qu'il y avait quoi? 800 personnes qui attendaient Wilfred pour son spectacle? 500 invités. Pas 16 000, pas 14 000, pas 6 000, 800. Mais peut-être que c'est vrai. Mais là, qui dit vrai entre les deux, là? Peut-être que les deux sont vrais. Peut-être que c'est vrai que cette année, ça prend des arénas parce qu'ils boostent l'affaire. Mais peut-être que Wilfred, les gens se sont aperçus que c'est un petit con qui parle créole, puis qu'ils ont arrêté de s'y intéresser parce que la balloune, elle dégonfle sans arrêt, puis il faut la regonfler sans arrêt. Puis que Star Academy gonflait cette année, gonflait pas l'an dernier. La preuve, c'est que ceux cette année ont eu l'hélicoptère, puis lui, il s'est promené en ambulance. He's out. D'ailleurs, on m'a assuré que lors de son passage à Québec, si on n'avait pas donné énormément de billets, on n'aurait pas eu des salles pleines au cégep de Sainte-Foy. Hey, regarde, là, moi, je veux même pas y aller au Nouveau-Brunswick. Même payer s'il va non, pas. Non, c'est un trou. OK. Je vais au Nouveau-Brunswick quand je suis au volant d'un autocar, qu'on traverse le Nouveau-Brunswick pour aller ailleurs. Mais je ne vais pas au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une dompe. Mais tu sais qu'il y en a qui ont eu le raisonnement complètement inverse au tien. Hey, faut aller voir le pays de Wilfred. Ben oui, vous allez passer du bon temps. Un petit sagouin. Oh boy. On a vu tantôt tout le moteur de tout ça. Là. Les deux filles qui se parlaient, là, c'est le moteur de Star Academy. Quand ça se connecte, ça, Yves, c'est l'hydroforce. L'hydro est tombé à côté de la petite. Non, tu sais, c'est pas la panique à LG2 en disant « Wow, les filles de Radio Énergie viennent de se connecter. Mettez du power, ça va tirer fort. » Encore une autre fois, Denis, c'est trop bon. On le réécoute. Ouais. C'est quoi, on va dire un secret, il est parti en ambulance. C'est vrai. Pour que ça allait plus vite. Elle est où ton show? C'est, je sais pas où. En tout cas, il est parti, il me disait ça tantôt. Il dit, c'est drôle, il dit, je pars en ambulance. C'est tellement qu'il faut que, go. Ouais. Pas de niaisage à faire, mais là, je dis, arrête pas l'hélicoptère. Il y en a c'est dans vrai. Et c'était un très beau moment. C'est effectivement un très beau moment. Parlant d'hydro qui force pas. En 2004, ouais. Avec toute la sensibilisation qui est faite, avec toutes les littératures disponibles, avec tout ce qu'on voit dans les journaux, les récidives de gens qui, en état d'ébriété, ont des conséquences graves sur la vie, la santé d'autrui. Mario Pelcha, comment il sent ce matin, lui, de s'être fait arrêter après que son véhicule oscillait à gauche pas à droite, le zigzaguait? Who cares? Comment penses-tu que ce gars-là a perdu 5 secondes de sommeil? Claude Dubois, un des pires trafiquants de narcotiques de la communauté artistique de Montréal, le gars qui a un dossier criminel pour avoir falsifié des prescriptions de stupéfiants chez Jean Coutu, puis qui a jamais arrêté d'être subventionné avec l'argent des taxes pendant qu'il enseigne à nos enfants à se geler la face, vient d'être embauché pour le Festival d'été de Québec, dont le président aura son procès ce printemps. Shit! Ils sont immunisés, ils sont immunisés! Ils sont inatteignables! Ils sont sur une autre planète! Ils sont hors d'atteinte! Tu peux les viser avec ton fusil à eau! Ça se rendra pas! Déjà, l'avocat de... tombe! Déjà, l'avocat de Mario Pelcha faisait tout un travail ce matin à LCN en disant, bon, là, ce qui est arrivé hier, c'est pas important. Puis le dossier là, de voie de fait simple, là, de rage au volant, de Noël 2002, ça va en cours cours, là, mais c'est pas important non plus. Et en fait, c'est des pacotilles. Ouais, et si l'auto zigzaguait, on ne sait pas encore. Et le résultat du test d'alcool, là, on n'a pas encore, je l'ai pas encore avec moi, là. Ça, c'est pas sûr, là. Même s'il dépasse, même s'il défonce l'alcotest pour voir comment ça a été fait. Puis... Ils sont tous bien défendus. Hey, regarde, je te faisais entendre Brian Mulroney qui a dirigé la PEG fédérale pendant un bout de temps. Mm-hmm. Voici un homme qui est entré au gouvernement avec à peine sa queue de chemise. Il est maintenant un multimillionnaire. J'étais, il y a quelque temps, au Centre Bell. Et j'attendais le début d'un match. Et soudain, je vois arriver M. Mulroney avec son entourage. Et là, je vois les gens du petit monde, des gens bien ordinaires qui ont eu des billets pour aller aux Canadiens ce soir-là, se précipiter vers lui et lui donner la main à deux mains, pétri d'admiration. Tout le monde sait que c'est une charogne. Tout le monde sait que c'est quelqu'un dont la fortune est inexplicable. Tout le monde sait que c'est un des hommes les plus malhonnêtes qu'on ait eu en politique. Ils savent ça, mais ils peuvent pas s'empêcher. Ils vont aller lui donner la main. Mais ils passent à TV. Ouais. Ouais, c'est ça. Je le vois à TV, il doit être correct. On a vu le raisonnement de deux animatrices radio il y a quelques secondes. Moi, je suis un vieux schnook. Oui. J'ai toujours prétendu que la beauté et l'intelligence chez une femme étaient des choses indissociables. Une femme ne peut pas être attirante si elle a l'air stupide. Non, c'est ça, impossible. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Puis il y a quelqu'un qui va sauter ces greluches-là. Il faut virer l'encibole. Là, au moins, ils ont beaucoup de plaisir. Là. C'est le moins qu'on puisse dire. T'es en train de sauter ça, puis ça se met à parler de même. Oh! Des plans réalisés, ça, là. J'ai pas chatouillé, si! André, qu'est-ce que tu penses de Jean Charest qui se promenait avec le chandail du Canadien en chambre hier? Un pauvre type. Le bleu, blanc, rouge. On est rendu là pour avoir un peu de ce que j'appelle de la cheap heat. Non, regarde, là. C'est tellement transparent que tu mets ça dans la catégorie pauvre type. Tu mets ça dans la catégorie... Minable. Ben, il est allé à Star Academy avec des questions et des réponses méga préparées, ouais, entre autres. Il est tellement minable, le premier ministre du Québec, que et ça, c'est peut-être un truc. Parce que plus il a de l'air minable, plus il a de l'air inoffensif. C'est comme l'ami Michel, ça, qui vend des autos. Que je salue, ben, je sais qu'il nous écoute. J'aime bien ce gars-là. Michel, quand je l'avais vu un jour enregistrer des commerciaux à la radio, il était dans le studio d'enregistrement, oui, pour venir à Jean Charest. Ça, c'est y crois-tu, ça? Ben, l'ami Michel, c'est ça. Croissé. C'est ça. Ouais. Oui, mais ça, c'est dans son bon temps. Il a déjà fait pire. Michel est en train d'enregistrer des commerciaux. Puis, il dit, fais-moi entendre ça, là. Et là, le petit opérateur, il remet ça sur playback. Puis, il fait entendre à Michel ce qu'il vient d'enregistrer. Et... lorsque il s'écoute, il dit non, j'ai pas l'air assez niaiseux, on va recommencer. Et deux ou trois fois, il recommence pour avoir l'air plus cave. Délibérément plus cave. Et ça me rassure ce que tu dis. Et oui, parce que c'est loin d'être un con, ce gars-là. Ben non. Loin de. C'est probablement un des hommes d'affaires les plus futés et les plus intègres à Québec. C'est un gars d'intégrité. Sauf que, lui, il se disait, les gens vont me regarder, ils vont dire c'est un cave, puis ils vont dire, moi, aller acheter un char chez eux, moi, le fourrer. Ce que j'ai à cœur avant tout, c'est de vous offrir les meilleurs prix. Et voilà. Bon. Alors, quand Jean Charest se comporte comme un minable, bien joué, alors qu'il est en train de nous fourrer sur la prostitution juvénile, sur le budget, sur les diffusions, sur l'état des routes, il n'y a rien d'honnête dans ce que Charest a fait depuis qu'il est là. Peut-être que c'est un truc diabolique, les gars. Si j'avais l'air vraiment stupide, peut-être que les gens ne me craindraient pas. Effectivement, il n'y a pas de l'air très effrayant, là. En plus, il met le gilet de Koivu. Ben oui. Hein? Un autre qui a profité de sa notoriété pour se faire traiter du cancer en avant de tout le monde. Et qui était mort en émétastase partout. C'était grave. C'était le pire qu'il avait découvert. C'est ça. Donc, on peut guérir du cancer à condition de jouer pour le Canadien. C'est ça. André, t'as effleuré le sujet de la prostitution juvénile. On apprend dans les journaux que près de la moitié des plaintes n'aboutiront pas pour plusieurs motifs. On n'est pas vraiment surpris d'une part. Comment tu réagis face à tout ça? Est-ce que les policiers ont fait leur possible? Est-ce qu'on a décidé de baquer devant l'ampleur de certaines choses? C'est évident. Puis c'est évident aussi que ça va donner beaucoup de valeur à un certain procès au civil. Là. Mettons. C'est ça. Parce que ça va... Au civil, ce qu'on n'a pas pu faire au criminel, on va en faire un Christy de bout au civil. Il y a bien du monde qui vont être bien gênés au civil. Il y a des gens qui ont de quoi raconter. Puis que je les rencontre régulièrement, puis ils ont hâte, puis hey, on va se voir, puis au tribunal, puis j'ai hâte d'y aller, puis ça va être intéressant. Robert Gillet nous poursuit pour 3 millions de dollars. Oui. On va vous en donner pour 3 millions d'informations. Il y a... Regarde, j'aimerais ça. Moi, faire assigner Jean-Paul Lallier au procès de Robert Gillet, sous serment. J'ai 3-4 questions à y poser. Jean-Paul Lallier, sous serment, moi. Puis j'ai 3-4 questions à poser à bien du monde. À Québec, puis j'ai 2 ministres péquistes à assigner, moi. Puis, j'ai aussi un... Bon, mais je vais t'échapper de quoi d'important. J'ai aussi peut-être un dirigeant du service de police de la ville de Québec, moi, à signer. Oh. Parce que la question que je veux poser est la suivante. Vous avez démontré au procès de Gillet que vous aviez de la filature avec caméra lorsque M. Gillet, sa victime présumée, et M. Gay se réunissent au Postino, oui, pour préparer une partouze. Mm-hmm. OK? Vous avez des images que vous avez montrées au tribunal. Or, on sait que ces gens-là se sont rendus à l'Hôtel du Nord, selon leur témoignage ultérieur, et là, il n'y a plus d'images. À quel moment vous avez fermé la caméra et pourquoi? Ça, c'est... La filature est sur eux, et soudain, il n'y a plus de filature, il n'y a plus d'images, et il y avait l'occasion d'un flagrant délit. C'est-à-dire, la porte se défonce, les caméras et les polices rentrent, tout le monde est filmé, les faces à l'air, et là, on a un document pour la cour, ça ne se rendra plus jamais en cour, là, ça plaide coupable, OK? Ma question aux dirigeants de la police de Québec serait, pourquoi cette filature-là a-t-elle été interrompue? Pourquoi vous avez des images au Postino, puis ensuite vous n'en avez pas à l'Hôtel du Nord où l'événement se poursuit? Et comment ça se fait que les policiers qui nous en parlent sont enragés? Tu sais qu'on n'a pas vu ces images-là, nous autres? Non, comment ça? C'est le jury qui les a vues. La télévision était tournée à environ dans la même position que ceux qui venaient témoigner, c'est-à-dire face au jury et de dos aux médias et aux gens qui sont dans la salle. Ouais. Donc ces images-là, nous autres, on n'y a pas eu accès finalement. Je peux même pas t'en parler. Je dis, un procès de Gillet, là, ça va être extraordinaire. Puis si on n'a pas de procès parce qu'il se retire, on va écrire un livre. Moi, par exemple, je connais un juge à Québec, de la Cour supérieure du Québec, qui pourrait venir expliquer dans quelles circonstances, en 1993, il a signé une déclaration écrite aux policiers de Québec dans laquelle il donnait une interprétation au comportement de Robert Gillet, ce qui a permis à Robert, à tort ou à raison, de s'en sortir d'une accusation d'agression, d'une enquête d'agression sexuelle contre une femme. Il y a un juge qui intervient dans l'enquête policière en répondant aux questions des policiers et qui donne une déclaration disculpatoire qui laisse croire que Robert n'a rien à se reprocher alors qu'il est enquêté pour agression sexuelle. Or, cet homme est maintenant un juge de la Cour supérieure de Québec. Je veux savoir comment il explique ce qui est arrivé ce soir-là. Les autres accusés à titre de client, André, les procès qui vont se poursuivre à compter de la semaine prochaine, as-tu l'impression que ça va être sensiblement la même chose que Robert Gillet? Plus facile, plus difficile? Je ne sais pas. Ça, La Rochelle ne sera plus là. Mm-hmm. Par contre, la molle couronne y sera encore. Mais je vais te dire, moi, j'ai entendu des choses pendant le procès de Robert Gillet qui, en tout cas, semblait incriminer bien du monde. On a entendu des noms souvent. On a entendu des gens parler aussi pendant le procès de Robert Gillet. Fait que j'imagine qu'on va arriver dans le procès de ces gens-là et qu'on va avoir du stock. Et Robert Gillet a lui-même incriminé du monde. Dans ses témoignages, est-ce qu'il va être témoin à charge? Est-ce que la couronne va le faire témoigner? Vous direz, hey, vous avez dit que M. Doyon avait fait ça, puis vous avez dit que M. Gay avait fait ça. By the way, êtes-vous encore des bons amis? Hey, je pense qu'il y a moins de monde dans son club d'amis, là. Ouais. André, passe une bonne journée. Ouais, facile à dire. Salut, André. Il est 9h09.